Et vous, alors, ça s'est passé comment cet été? Vacances, j'oublie tout, on laisse l'actualité loin derrière, ras-le-bol du corona, un peu de relâchement sur le port du masque et les gestes barrières. Et du coup, la rentrée, comment l'appréhendez-vous? Difficile de comprendre cette litanie de chiffres qui nous dit d'un côté que les contaminations repartent, mais de l'autre que les hôpitaux sont loin de la saturation. Et après tout, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été sur le front de la recherche, et notamment vaccinale? Pour ce premier épisode de cette cinquième saison, on fait un point complet sur l'épidémie de Covid-19. Coronavirus, pas de vacances pour la recherche, c'est le programme de rattrapage qu'il note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans cette cinquième saison de la méthode scientifique. Et comme ça fait plaisir de vous retrouver toutes et tous pour cette cinquième saison, donc bon pied, bon œil pour continuer à suivre au plus près l'actualité des sciences et de la recherche et pour revenir sur les grandes notions scientifiques de façon à mieux appréhender le monde qui nous entoure. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, vous retrouverez tous les lundis les sujets liés aux sciences du vivant, à l'espace et à la physique le mardi, le mercredi les technologies émergentes et l'environnement, histoire des sciences, épistémologie et grands entretiens le jeudi, et le vendredi, eh bien, soit à la table ronde avec nos camarades de la presse et du web scientifique en une semaine, ou bien l'autre semaine, comme vous le savez, la science-fiction. Voilà, ça c'était pour le petit rappel de votre emploi du temps de la méthode scientifique de l'année. On en vient à notre sujet du jour. Nous nous sommes dit qu'après 2 mois de silence radio, il serait bon de faire un tour exhaustif, sérieux et détaillé de l'actualité liée au coronavirus. Pour cela, nous sommes en ligne avec nos 2 invités du jour. Vittoria Colizza, bonjour. Ah, Vittoria Colizza, nous entendez-vous? Êtes-vous là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. je ne vous entendais plus. Vous faites de la modélisation informatique. Vous êtes directrice de recherche INSERM à Sorbonne Université. Nous sommes également en ligne avec Bruno Lina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue au CHU de Lyon, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie à Lyon et membre du conseil scientifique Covid-19. Mais avant de vous retrouver pour commencer, après avoir arpenté musicalement les âges de la vie au cours de la grille d'été dans une excellente série musicale, la voilà revenue sur les chemins de l'actualité scientifique chaque jour en début d'émission. C'est bien sûr Natacha Paturel-Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Pour le premier sujet de ce journal, on commence avec une étude parue dans la revue de Lancet et la découverte d'une souche du VIH particulièrement résistante aux antirétroviraux. Et le virus du VIH fait-il de la résistance aux médicaments? C'est la question que se posent les chercheurs du CHU de Toulouse. L'équipe a séquencé les génomes de virus de 2 patients infectés, un homme de 54 ans et un de 23 ans. Les chercheurs montrent que ces souches prélevées sont phylogénétiquement liées, c'est-à-dire qu'elles ont la même origine. Jusqu'à présent, la transmission de souches multirésistantes est un phénomène rarissime, mais dans la lutte contre cette épidémie mondiale, cette découverte inquiète. Stéphanie Raymond est médecin biologiste spécialisée en virologie au CHU de Toulouse. Elle est co-signataire de cette étude. Les souches multirésistantes sont des virus donc qui ont évoluer sous pression de sélection chez des patients infectés qui reçoivent des traitements antirétroviraux. Donc ces souches s'adaptent à la fois à un hôte, le patient infecté, et à des traitements qui sont dans des conditions non optimales, puisque les traitements ne permettent pas d'empêcher la réplication du virus. Donc ce virus s'adapte, comme les bactéries le font sous antibiotiques. Alors cette souche est résistante à toutes les classes d'antirétroviraux qui sont actuellement utilisées pour traiter les patients infectés par le VIH. Et contrairement à la souche précédemment décrite, celle-ci est résistante y compris à la dernière classe d'antirétroviraux qui est largement utilisée aujourd'hui, qui sont les inhibiteurs de l'intégrase. Il faut espérer que ce soit un événement rare et exceptionnel, parce que si effectivement une souche multirésistante était suffisamment adaptée pour aussi être capable de se transmettre à de nombreux hôtes, eh bien on pourrait avoir une nouvelle épidémie en fait avec une souche extrêmement difficile à traiter. Heureusement, pour l'instant, ça reste un phénomène rare, Mais comme le virus s'adapte et évolue en permanence depuis 30 ans qu'on connaît cette épidémie, on n'est pas à l'abri d'observer effectivement ce type de problème émergent qui serait la transmission de souches résistantes. Voilà, et on vous met, on ne change pas non plus les bonnes vieilles habitudes, le lien vers l'étude de The Lancet sur notre fil Twitter, ainsi que bien tout un tas de liens tout au long de notre heure de discussion, c'est sur le fil de l'émission @laméthodefc. Et on passe au bref. Le 24 août, samedi dernier, l'humanité a atteint son jour du dépassement mondial. Depuis samedi, nous avons épuisé toutes les ressources que la Terre est capable de renouveler en l'espace d'une année. Donc depuis ce week-end, nous vivons donc à crédit. Tous les ans, ce jour du dépassement est calculé par l'ONG américaine Global Footprint Network. L'an dernier, c'était le 29 juillet, le confinement mondial a repoussé l'échéance de cette dette écologique. Néanmoins, nous consommons toujours trop. Selon l'organisme, il faudrait plus d'une planète Terre et demie pour subvenir à nos besoins. Une étude parue dans Nature Astronomy décrit un phénomène stellaire inédit. Et il se passe quelque chose d'étrange dans la constellation de l'Aigle. Grâce aux données du télescope spatial Fermi, une équipe internationale a découvert que les pulsations d'un nuage de gaz sont synchronisées avec les jets plasma du trou noir d'un micro-quasar. Alors en soi, rien d'exceptionnel, sauf que ces deux objets sont séparés par 100 années-lumière de distance. Le micro-quasar oscille avec une période de 162 jours et alimenterait le nuage de gaz, qui présente les mêmes pulsations régulières de rayons gamma. Ce phénomène, pour le moment inexplicable, a été baptisé « battement cardiaque gamma ». Et enfin, 2020 continue après le coronavirus, après le VIH résistant. Voici que la Californie vient de signaler le premier cas de peste bubonique en 5 ans. La peste bubonique, celle historique causée par la bactérie Yersinia pesti que transportent les puces des rongeurs. Alors pour le moment, personne ne comprend comment ce jeune homme qui promenait son chien dans une forêt a été infecté. Mais sa vie est hors de danger et puis surtout pas d'inquiétude. Il ne s'agit pas des mêmes scénarios que ceux de la peste noire et ce type de contamination reste extrêmement rare. Selon l'OMS, environ 3000 cas de peste ont été recensés dans le monde entre 2010 et 2015. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Les vacances s'achèvent pour celles et ceux d'entre vous qui ont pu en prendre et au sortir de cette crise sanitaire et économique sans précédent. Et il est vrai qu'après ces chaudes journées d'été, à l'approche de la rentrée scolaire et alors que nombre d'entre vous reprennent le chemin du bureau, le discours public sur le coronavirus n'est pas de la plus grande clarté. Hausse des contaminations, port du masque en plein air, mesures de prévention et de protection dans les écoles, mais où en est-on exactement de cette pandémie dont on ne sait trop si elle reprend, si c'est la deuxième vague qui déferle ou non. Nous allons donc tenter de faire le point sur tout cela, ainsi que sur les avancées de la recherche vaccinale. D'ailleurs, si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous les adresser via notre fil Twitter, @laméthodefc. J'essaierai de les relayer autant que faire se peut. Mais voici pour commencer et en très résumé ce que vous avez pu entendre ces dernières semaines dans les médias. Plus de 4700 nouvelles contaminations en 24 heures en France, un record. La circulation du Covid accélère un peu plus et pourtant, il n'y a pas de hausse de cas graves. L'infection s'observe chez les gens plus jeunes, essentiellement entre 20 et 40 ans, voire jusqu'à 60 ans, mais plus au-delà de 65 ans où l'incidence est très peu importante. Et donc, c'est des gens qui ne font pas habituellement des formes graves. Comment expliquer cette situation? Les scientifiques avancent une hypothèse. Le virus aurait muté génétiquement. Il serait aujourd'hui plus contagieux, mais moins dangereux pour l'organisme. Actuellement, on n'a pas de preuves formelles que le virus dominant actuellement, avec cette mutation, soit moins virulent, c'est-à-dire moins dangereux pour l'homme. Cette mutation entraîne une plus grande contagiosité, mais on n'a pas démontré qu'elle était moins virulente. Et on va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas plus vite et ne touche pas les personnes les plus âgées qui sont, on le sait, les plus fragiles. Les pays du monde entier sont partis à sa recherche. Le vaccin contre le Covid-19, une priorité sanitaire et économique pour les laboratoires qui ont engagé une course contre la montre. Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Le ministre de la Santé vous donnera plus de détails, même si je sais qu'il est assez efficace et qu'il donne une immunité durable. Je ne sais pas si ça aura une utilité, j'en sais rien. Si vous voulez, si la maladie reste calée maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Voilà, beaucoup de choses glanées de ci, de là, dans différents supports d'information. Peut-être une première réaction générale de nos deux invités, Vittoria Colizza et Bruno Lina. Vittoria Colizza, pour commencer, il y a des choses que vous venez d'entendre sur lesquelles vous souhaiteriez réagir? Ah oui, sans doute, par exemple, sur les virus qui auraient muté. Alors déjà, ce qui a été dit dans ces petits summary, donc résumé, était bien correct. Donc on n'a pas la preuve qu'il soit plus virulente, moins virulente par rapport à l'autre. Mais la chose la plus importante qu'il faut bien comprendre, que c'est ces mutations qu'apparemment on voit, c'est le virus qui circule en France déjà depuis le début de l'année. Donc, et là, il y a effectivement plusieurs hypothèses sur le fait qu'on le voit en Europe et aux États-Unis et pas en Chine, et tout simplement dû au fait qu'on a mis en place des restrictions de voyage, donc qui ont empêché aux autres mutations de venir après en Europe. Donc là, il ne s'agit pas d'une mutation qu'on a vue aujourd'hui, mais il s'agit du même virus qui circule depuis le début. Alors là, les messages, il faut qu'ils soient bien clairs, que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est important d'un point de vue épidémique, mais n'est pas dû à un changement de virus. Peut-être un mot, effectivement, Bruno Lina, sur cette question de mutation, pas mal de confusion. Un article dans la revue Cell, qui est une grande revue de microbiologie, qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir une mutation du virus. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus qui vont dans le sens inverse. Quelle est exactement la situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur cette hypothèse d'un virus qui serait moins virulent, mais qui circulerait plus? Je partage ce que vient de dire Vittoria, c'est-à-dire qu'en pratique, cette mutation, qui pourrait être précise, est une mutation en position 614, c'est la transformation d'un G en un G, d'un D en un G, c'est assez technique, mais c'est... Ce sont les nucléotides du virus. Oui, sont les acides aminés, là, en l'occurrence. Hein. Et c'est une substitution qui a été observée en février. Donc on sait que l'essentiel de l'épidémie que l'on a subie en mars-avril était lié à un virus qui faisait partie de ce génogroupe. Or, il n'y a pas eu de mutation additionnelle qui soit apparue, notamment sur cette région, dans les virus qui circulent. Donc on ne peut pas expliquer aujourd'hui la différence que l'on observerait entre les virus et les cas cliniques de mois de mars-avril et ceux que l'on observe maintenant par cette substitution. Il n'empêche que, comme ça a été expliqué, ce virus a eu tendance à se répandre plus facilement que les autres, donc il a peut-être un petit avantage réplicatif, et encore, ça n'est pas démontré, puisque même les études qui ont été faites là-dessus disent qu'elles ne sont pas conclusives. Donc, il y a eu beaucoup de choses très imprécises qui ont été dites ces jours-ci, mais il est clair que aujourd'hui, le virus n'a pas subi de mutation le favorisant en termes de réplication ou d'infection et ne réduisant son pouvoir pathogène. C'est le même virus qu'il y avait en mars qui circule maintenant. Et c'est très clair, merci pour cette précision. On va donc essayer de continuer à éclaircir un peu toutes ces questions. Alors ça n'était pas dit spécifiquement dans le petit medley que j'ai diffusé, que je vous ai proposé en ce début d'émission, mais on entend aujourd'hui des choses qui sont assez préoccupantes pour les citoyennes et les citoyens, notamment venant de l'OMS ou de hautes autorités sanitaires, qui disent bien ce virus maintenant, il va falloir bien s'habituer à vivre avec pendant encore au moins certaines un an ou deux, c'est aujourd'hui quelque chose de vraisemblable selon vous, Bruno Lina? Alors oui, dans le sens où on voit que le virus a aujourd'hui fait le tour de la planète, en gros, hein. Depuis son émergence en 6 mois, il est vraiment allé partout et aujourd'hui il n'y a plus d'espace qui ait échappé à la diffusion de ce virus. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire de la virologie, ce qui est parfois un peu compliqué, mais des coronavirus, on en a qui vivent avec nous, il y en a 4, et ce que l'on sait, c'est que ces coronavirus, très vraisemblablement, ils ont été introduits dans la population humaine au 19e siècle. Donc ils ont peut-être suivi exactement le même chemin que le SARS-CoV-2, c'est-à-dire sorti d'un réservoir animal, diffusant à l'ensemble de la surface de la planète, puis après s'acclimatant à son nouvel hôte, en quelque sorte, pour devenir un virus saisonnier ou un virus classique. Qui sont les virus qui donnent le rhume, c'est de cela dont vous parlez? Absolument, oui. C'est des virus qui donnent essentiellement des rhumes, mais qui peuvent donner des formes graves chez certaines personnes immunodéprimées aussi, de façon assez rare. Mais ça arrive quand même. Et donc, ce que l'on va peut-être voir, qui est une hypothèse, à mon avis, très vraisemblable, c'est que ce virus va rester avec nous, non pas pendant un ou deux ans, mais pendant beaucoup plus longtemps que ça, en perdant progressivement de sa virulence, en devenant moins agressif pour la population humaine, parce qu'il va y avoir une immunité collective qui va se dégager, même si elle sera imparfaite et des réinfections seront peut-être possibles à terme, même si on n'en a toujours pas vu pour l'instant. Et c'est un virus que maintenant il va falloir qu'on apprenne à maîtriser. Et donc on est en train de basculer dans une étape, je dirais, plus de gestion du risque que d'essayer d'éteindre ce virus. On n'y arrivera pas. Vittoria Colizza, quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Bruno Lina sur la circulation du virus? Ça veut dire qu'on va être obligé de continuer à porter des masques pendant longtemps. On parlera de la vaccination dans la deuxième partie de l'émission, mais sur bien le fait de s'habituer à vivre dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui et en cette rentrée. Oui, tout à fait. Et ça, c'est la chose peut-être la plus importante, parce que nos comportements vont être très très importants dans la façon d'impacter l'épidémie et comment cette épidémie va se dérouler dans les prochains mois. Et surtout sur cette phase, alors d'un côté, on aura le comportement des personnes, les mesures barrières qu'on devra sans doute continuer à adopter dans les temps, et aussi de l'autre côté, des mesures pour freiner l'épidémie et pour ralentir sa propagation. Et c'est la circulation du virus qui reste toujours très important. Après, tout ce qui a été déjà dit, Bruno l'a dit bien, toute l'évolution l'augmentation de l'immunité collective qu'on va gagner après les temps, mais sans doute on est plus dans une situation d'éradication. Il y a quelques pays qui ont réussi à éliminer le virus de son territoire. Ce sont des pays avec des circonstances géographiques, je dirais, qui sont très particulières, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, mais même dans ces cas, après avoir éliminé les virus pour 2-3 mois, ils se sont retrouvés avec d'autres clusters sans précisément des histoires d'importation. Et bien évidemment, ce sont des situations géographiques qui quand même restent très différentes de la France, de l'Europe, parce qu'on vit dans un continent avec la libre circulation des individus, commerce, etc. Alors que la Nouvelle-Zélande est effectivement insulaire et donc peut restreindre plus facilement l'accès sur son territoire. On va essayer de faire le tour maintenant rapidement de l'état de la situation, plus généralement de l'épidémie en France. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h18 sur France Culture, vous écoutez La Méthode Scientifique aujourd'hui pour la reprise en cette cinquième saison. Nous parlons donc du coronavirus en compagnie de Vittoria Colizza et Bruno Lina. Et je le disais dans le début de cette émission, Bruno Lina, on entend beaucoup de choses contradictoires et il est difficile de comprendre exactement comment circule le virus aujourd'hui. Puisque tous les pouvoirs publics nous disent, le virus a recommencé à circuler. On voit une hausse importante, jusqu'à 4000 contaminations nouvelles par jour par rapport aux chiffres qui sont publiés par Santé publique France. Et pour autant, on nous dit que de l'autre côté, les hôpitaux restent dans un état de fréquentation qui est encore assumable. C'est-à-dire qu'on est loin encore de la saturation que les services hospitaliers ont pu connaître lors de la première vague. Alors, est-ce qu'il faut parler de deuxième vague? Quelle est la situation? Comment vous pourriez la décrire de la façon la plus claire possible, Bruno Lina? Alors, actuellement, on a une circulation qui augmente lentement mais sûrement, avec une dynamique qui va être très difficile à prédire. Maintenant, je pense que Victoria le fera peut-être mieux que moi pour savoir si on est sur une montée linéaire, façon vague, très amortie ou potentiellement exponentielle. Et je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les groupes d'âge qui sont contaminés sont pas tout à fait les mêmes que ce que l'on avait observé jusqu'à présent. C'est-à-dire que on a une circulation du virus qui se fait en termes de diagnostic essentiellement chez les jeunes, de 15 à 44 ans, qui représentent plus de la moitié des cas d'infection pour lesquels on a un taux d'incidence qui est relativement élevé. Et ce que l'on sait dans ce groupe d'âge, c'est que les formes cliniques associées à cette infection sont souvent beaucoup moins symptomatiques que ce que l'on voit chez les plus âgés, 45-64 ans et plus et au-delà. Et donc, comme on a la notion d'une clinique moins importante et qu'on a même parfois des formes asymptomatiques, le ressenti que l'on peut avoir, c'est de dire, bah, finalement, ce virus, il est moins dangereux. Regardez, les gens infectés ne présentent pas tout à fait les mêmes signes cliniques. C'est parce qu'en fait, on n'est pas dans la même tranche d'âge. Et que cette tranche d'âge, qui avait été plutôt épargnée avant le confinement, eh bien, elle est en train à l'occasion des vacances, à l'occasion des regroupements de jeunes et de familles, on est en train de voir que ce virus se met à circuler dans ce groupe d'âge plus particulièrement. Et la deuxième chose que l'on sait aussi, c'est qu'en termes de prise en charge de la maladie coronavirus, la COVID-19, les médecins aujourd'hui sont nettement meilleurs que ce qu'ils étaient au mois de février, au mois de mars, parce qu'ils ont accumulé une expérience extrêmement importante. Et aujourd'hui, à toutes choses égales, je veux dire, si on a un patient qui est hospitalisé simplement à l'hôpital ou en réanimation avec une forme d'infection à coronavirus, eh bien, ses chances d'amélioration de survie sont nettement supérieures aujourd'hui par rapport à ce que c'était au mois de février, parce que on a développé tout un arsenal de traitements qui permettent de réduire l'intensité de la maladie et de mieux contrôler la diffusion du virus. Hein, on sait quand il faut prescrire la corticothérapie, on sait quand on peut donner des anti-interleukines, on sait quel type de réanimation ventilatoire il faut faire chez les individus pour éviter d'être délétère et de mieux prendre en charge les patients. Eh bien, tout ceci cumulé fait que le ressenti et l'observer, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup moins de décès par rapport au nombre d'infectés. On prend mieux en charge les patients et ce n'est pas tout à fait les mêmes qui sont malades. Il faut être prudent toutefois, parce que même parmi les 15-44 ans, il y en a quelques-uns qui sont en réanimation et qui sont en réanimation avec des formes très graves. Donc ce n'est pas une certitude que de ne pas avoir une forme grave quand on est jeune. Ce sont des cas, alors très rapidement Bruno Lina, ce sont des cas avec beaucoup de comorbidité ou ce sont des cas avec moins de comorbidité, comme on a pu l'entendre aussi en disant que finalement ça pouvait aussi toucher de façon un peu randomisée des jeunes gens en bonne santé? Absolument. Le fait qu'il y ait une comorbidité ne joue pas du tout dans le taux d'infection. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on est exposé à des sujets. Bien sûr, mais pour les cas graves, pour les cas qui partent en réanimation. Les cas graves, certains d'entre eux n'ont pas de comorbidité. On sait que statistiquement, il y a plus de chances qu'il y ait des comorbidités pour les formes très graves, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patients qui n'aient pas de comorbidité qui sont en réanimation. Il y en a effectivement pour lesquels on n'aurait jamais présagé qu'ils pourraient aller un jour en réanimation à la suite d'une infection par le Covid. Vittoria Colizza, un mot sur ce paradoxe, ou en tout cas, on a tendance à dire ou à lire que finalement, quand bien même le nombre de cas est à nouveau en augmentation, ça n'est pas un marqueur très inquiétant parce que les services hospitaliers, eux, ne sont pas encore saturés. Et pourtant, quand on fouille un peu dans les chiffres, on se rend compte que même si on entend dire que les hospitalisations baissent, que les réanimations stagnent ou qu'il n'y a plus de décès, quand on se penche un peu plus près sur ces chiffres, on se rend compte que si on regarde sur les semaines glissantes, les chiffres ne sont pas tout à fait aussi clairs, que depuis 4 semaines, l'écart entre les entrées et les sorties ne cesse de se réduire à l'hôpital, que de la même façon, les réanimations stagnent, mais tout de même, il y a de plus en plus d'entrées en réanimation, etc. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces chiffres, une fois de plus ? Oui, effectivement, il y a des régions, comme par exemple en Île-de-France, où on voit de façon très très claire, depuis déjà des semaines, une augmentation du nombre d'hospitalisations pour Covid. Alors que, c'est dû à la propagation de l'épidémie en population. Alors, l'épidémie, c'est un phénomène collectif. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de cas aujourd'hui dans une tranche d'âge très particulière et qui aussi fait des formes beaucoup plus probablement asymptomatiques. Moins des cas graves, mais on ne peut pas isoler les jeunes du reste de la population. Donc, de façon plutôt assez inévitable et sans doute avec un certain retard, à un certain moment, ces infections vont impacter aussi le reste de la population. Et donc, au-delà de personnes jeunes qui ont été admises à l'hôpital, on voit déjà aussi d'autres admissions à l'hôpital dans les autres tranches d'âge. Ce qui Probablement, c'est passé aussi tout au début de la deuxième vague, quand à ce moment-là, on testait pas. Et donc, on testait pas les personnes asymptomatiques. Donc, on n'a aucune idée de la circulation du virus dans les personnes, par exemple, plus jeunes, qui sont ceux qui font plus statistiquement les formes asymptomatiques. Alors que quelle est la situation comparée au début de la première vague? Ces hospitalisations sont en augmentation de façon très très claire depuis déjà 4-5 semaines, mais cette augmentation est moins importante, moins rapide par rapport à la première vague. Ça, c'est très important à dire aussi. Donc, on ne se trouve pas dans la même situation de la première vague, surtout parce qu'on a déjà une connaissance médicale, mais on a aussi des connaissances des mesures barrières, une adoption de la part de la population des mesures barrières qui, forcément, va freiner cette propagation. Et en plus, on a aussi un outil de dépistage, même si on pourrait peut-être l'améliorer encore, mais un outil de dépistage qui... est censé aussi freiner l'épidémie en cassant les chaînes de transmission. Du coup, ce que l'on entend dans ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que finalement, peut-être que le terme de deuxième vague n'est pas tout à fait approprié parce qu'on imagine forcément quelque chose de similaire par rapport au schéma épidémiologique que l'on a connu lors de la première vague au mois de mars. Là, en l'occurrence, c'est une autre structure, c'est une autre forme de diffusion de la maladie qui va ou qui peut aboutir tout de même à un effet de saturation à nouveau des services de réanimation ou qui va se dérouler différemment, Bruno Lina. Qu'en pensez-vous? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on ne peut pas tout à fait comparer ce qui se passe en mars et maintenant, c'est qu'en mars, rappelez-vous, on ne portait pas de masque, on n'utilisait pas les mesures de distanciation physique et puis les solutions hydroalcooliques au niveau auquel on les utilise, et on n'avait pas de stratégie permettant de faire ce dépistage aussi rapide des patients, même si cette stratégie de dépistage, elle est encore perfectible. Et on voit bien que tous les accompagnements de ces outils qui vont servir à contrôler et à surveiller la diffusion du virus ont finalement une conséquence sur la dynamique épidémique. Immanquablement, le fait que l'adhésion au port du masque, qui est quand même excellente, hein, je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête, que c'est remarquable le taux de port de masque que l'on peut avoir en France. Hein, si on avait pu imaginer ça, ne serait-ce qu'il y a un an, que pratiquement 80% des Français portaient un masque régulièrement chaque fois qu'ils étaient dans un espace clos, ça aurait été considéré comme de la science-fiction. Eh bien, on voit que ça, plus la notion de la distanciation physique et les mesures d'hygiène des mains, eh bien, vont faire que la dynamique de l'épidémie ne peut pas être la même que celle qu'il y a eu au mois de mars, a priori. Ça va monter plus lentement. Enfin, c'est ce que l'on imagine, en tout cas, et c'est ce qu'un certain nombre de modèles disent. Et quand, en plus, on est capable de dépister les cas, même quand ils sont asymptomatiques, et qu'on passe des consignes de confinement ou d'isolement en disant « essayez de rester chez vous pendant un certain temps pour pas qu'il y ait de chaîne de transmission », tout ceci sont des éléments qui vont tirer le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires vers le bas, et de fait aplatir la courbe épidémique de façon à ce que c'est une image que je prends un tout petit peu de temps en temps. C'est au lieu que ce soit une vague, ce sera peut-être simplement une houle, c'est-à-dire quelque chose qui sera très amorti. Il y aura une diffusion du virus qui va prendre du temps, mais l'idée, c'est qu'elle ne prenne pas l'ampleur qu'elle a eue au niveau de ce qu'on a observé en mars. Vittoria Colizza, vous qui travaillez sur les modèles informatiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut conclure finalement de cette reprise du nombre de contaminations par rapport à ce que vient d'évoquer Bruno Lina? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on pense pour cette augmentation est qu'elle est simplement due au fait aux vacances, parce qu'il y a eu un mélange, un brassage des populations. Peut-être aussi c'était plus difficile de garder certaines habitudes sur les mesures barrières quand on se déplace et on ne se retrouve pas forcément dans la même situation quotidienne du travail ou de l'école, et on se retrouve en vacances en faisant bien évidemment la fête et en essayant de rencontrer dans des événements festifs soit la famille, soit les amis. Alors que cet relâchement dans les temps et aussi un dépistage qui devrait être encore plus rapide et encore plus ciblé pour mieux freiner l'épidémie ont apporté une augmentation de cas. Ce qu'on voit en France, mais qu'on voit aussi d'ailleurs dans d'autres pays européens plus ou moins anticipés par rapport à nous. Alors, la situation est, donc on se trouve dans une situation cette croissance est lente. La chose qui nous inquiète un peu, est ce que va se passer à partir peut-être de la semaine prochaine déjà, donc avec la rentrée, où il y aura forcément une reprise des activités professionnelles, réouverture des écoles, et qui va inévitablement augmenter les taux de mélange entre les individus, donc les possibilités sur lesquelles le virus pourrait se transmettre. Alors c'est pour ça qu'il faudra vraiment être vigilante et continuer à adopter les mesures barrières, c'est très très important. Un mot peut-être à ce propos, on a beaucoup parlé dans la première partie de l'épidémie de ce qu'on appelait à l'époque le R0, le taux de reproduction, qu'on va appeler maintenant le RE, puisque c'est le taux de reproduction effective, en disant eh bien ce taux de reproduction, s'il est supérieur à 1, c'est donc qu'il y a une reprise épidémique. Or là, en préparant l'émission, j'ai donc consulté les derniers chiffres dont on dispose, et on est à peu près supérieur à 1 dans tout dans toutes les régions françaises, entre 1,3 et 1,5, Bruno Lina, est-ce que ça veut dire pour autant que la reprise épidémique est donc eh bien inévitable ? Alors, le calcul de ce taux de reproduction effectif est quelque chose qui est d'abord terriblement complexe et difficile. Ça dépend des indicateurs. Vous savez qu'il y a une marge d'erreur, mais ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, il est au-dessus de 1. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique vers l'augmentation du nombre de cas. Tant qu'on est au-dessus de 1, il y aura plus de cas le lendemain que le jour d'avant. Est-ce que ce R effectif va continuer à augmenter de façon importante pour passer à 1,7, 1,8, 2, toute l'explication qu'on essaye de vous dire, c'est que ça n'est pas inéluctable et que c'est quelque chose qui, si ça se trouve, peut être relativement maîtrisé et de façon à ce que, finalement, l'accroissement de la dynamique épidémique ne prenne pas un aspect de vague, mais beaucoup plus un aspect de houle. Après, on voit qu'il y a quand même des disparités importantes, c'est-à-dire que si vous regardez à l'échelon national et si vous regardez à l'échelon régional, c'est effectifs à l'échelon régional, ils oscillent. Dans certaines régions, ils sont inférieurs à 1. Mmh. Et dans d'autres, ils sont pratiquement supérieurs à 1,5. Donc, on voit que il y a cette disparité qu'il faut prendre en compte et sur lequel il faut probablement agir localement. Et ça, c'est un des enjeux aussi de ce qui va se passer dans le futur. C'est d'être capable d'adapter, en fonction du contexte, en fonction de la zone géographique, un certain nombre d'éléments de réponse pour maîtriser la circulation du virus qui feront que on va pouvoir par le biais d'actions spécifiques, ciblées, essayer de faire descendre ce R effectif dans les régions où il est le plus élevé, tout en essayant de maintenir une pression de façon à ce qu'il ne monte pas trop dans les zones qui sont plutôt épargnées pour l'instant. Peut-être une dernière question sur cette première partie avant de passer à la question de la recherche vaccinale. Quelque chose dont on a beaucoup parlé, qui reste aussi entouré d'une certaine aura de mystère ou d'incertitude, c'est la question de la saisonnalité. On a beaucoup dit au début de l'été que eh bien, la saisonnalité n'avait pas un rôle décisif, mais en tout cas accompagnait certainement la chute des contaminations. Aujourd'hui, on voit que ça remonte. Est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Est-ce qu'il n'y a pas de saisonnalité ? Que faut-il, une fois de plus, en penser, selon vous, Victoria Colisa ? Alors, il y a deux aspects qui sont importants à mentionner dans la saisonnalité pour bien expliquer. Il y a un aspect qui pourrait être spécifique donc à la transmission du virus, donc des conditions par exemple de température et humidité qui vont favoriser la transmission et la transmission du virus et aussi sa permanence par exemple dans des surfaces ou dans l'air. Ce que normalement, donc l'été normalement n'est pas un moment qui favorise la transmission des virus respiratoires. C'est pour ça que par exemple on le voit avec la grippe dans les zones tempérées comme en France, on n'a pas une épidémie qui se déroule pendant l'été. L'autre aspect qui est assez important aussi est le comportement de personnes. Alors que pendant l'été, on passe plus de temps à l'extérieur, on n'est pas confiné dans des lieux fermés avec beaucoup de gens, donc une haute densité, des lieux fermés peut-être avec des fenêtres aussi fermées, donc sans circulation d'air, et avec ces conditions de température et aussi, par exemple, en météo sec, donc pas assez d'humidité, qui vont favoriser ça. Alors, ce qu'on a vu, sans doute, dans les pays, comme par exemple en Europe, qui avaient été capables de supprimer l'épidémie avec le confinement, une fois qu'on est sorti du confinement, on a été capable de bien maîtriser cette épidémie assez longtemps, pendant l'été. Et donc, tous les pays, on a tous réussi à faire plus ou moins de vacances, sauf quelques régions qui a dû reconfiner en Espagne, en Angleterre ou en Allemagne. Mais si on voit par ailleurs, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, là, la sortie d'une première phase de confinement, qui d'ailleurs n'avait été pas assez rigide comme nous on l'avait fait, a donné lieu à une deuxième ou quand même nouvelle croissance des cas, très importante, qui continue d'ailleurs. D'ailleurs, maintenant, les cas aux États-Unis viennent d'atteindre un plateau. Et l'épidémie s'est bien déroulée, surtout sur les pays du Sud, donc les pays qui étaient plus exposés au chaud et dans des conditions bien estivales. Donc là, on voit bien, d'ailleurs, il y a eu d'autres publications qui ont montré ça, que la saisonnalité propre dans la transmission du virus n'était pas si important. Ce qui a joué peut-être un rôle était plutôt le comportement des personnes de passer, par exemple, manger à l'extérieur, passer plus de temps à l'extérieur, et moins se retrouver dans des lieux fermés où il peut y avoir beaucoup plus de circulation. Voilà pour une sorte de petit état des lieux aujourd'hui, hein, des chiffres disponibles sur cette épidémie de Covid-19 que nous continuerons évidemment à suivre jour après jour, notamment dans le journal des sciences de Natacha Triou. Mais maintenant que nous avons fait un petit tour d'horizon, nous allons nous intéresser à la recherche vaccinale qui a continué d'arrache-pied tout au long de l'été. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Forcément, don't stand so close to me, ne restez pas si près de moi, c'était d'actualité. Police à 16h38 dans la méthode scientifique, puisque nous parlons de l'épidémie de Covid-19 tout au long de cette heure. Après avoir fait un point sur la situation, nous allons parler de la recherche vaccinale en compagnie de Vittoria Colizza, qui fait de la modélisation informatique, qui est directrice de recherche INSERM à Sorbonne Université, et de Bruno Lina, qui est virologue au CHU de Lyon, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie à Lyon et membre du conseil scientifique Covid-19. Donc après avoir fait cet état des lieux de l'évolution de l'épidémie, parlons donc un peu des vaccins. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour rassurer vos proches, vous n'êtes pas allé tester le vaccin russe au péril de votre vie. Non, je suis resté en France. Mais vous vous êtes rendu à l'Institut Pasteur qui travaille sur son vaccin inspiré de celui contre la rougeole et dont la phase 1 débute aujourd'hui même. Oui, et j'ai rencontré Bruno Heune qui est le directeur de la recherche médicale de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur essaie de mettre au point un vaccin contre le coronavirus à partir d'une souche vaccinale de la rougeole, vous le disiez. Bruno Heune nous explique les raisons qui ont amené les chercheurs de l'Institut Pasteur à faire ce choix et pourquoi cette technologie permettrait de gagner du temps sur le calendrier des phases de test. Il nous en dit plus également sur les étapes qu'il reste à franchir dans les mois qui viennent avant d'obtenir les premiers résultats. s'agit d'une technologie maîtrisée par l'Institut Pasteur depuis maintenant plusieurs années. On appelle ça notre plateforme vaccin vectorisé rougeole. Et on a déjà mis au point des vaccins qui sont basés sur cette technologie et qui ont commencé leur phase d'évaluation clinique, de développement clinique. C'est le cas du chikungunya, c'est le cas du virus Zika, c'est également le cas du virus de la fièvre de Lassa. Donc on avait déjà, au moment où l'épidémie de Covid-19 arrive, on avait déjà bien avancé sur le développement clinique de ce type de vaccin vectorisé dans le virus de vaccinal rougeole. Alors pourquoi utiliser cette souche vaccinale rougeole là? Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un vaccin qui a été utilisé depuis des années sur des millions, probablement même des centaines de millions de sujets, qui a fait la preuve de son efficacité, de son innocuité, qui donne une immunité longue, une injection, immunité toute une vie. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça coûte pas cher, c'est facile à produire, donc c'est un ensemble de qualités qui fait que à l'Institut Pasteur, on croit très fort à cette solution technologique là. On s'est engagé dans cette voie, ce qui a permis aussi d'aller plus vite dans les phases dites précliniques de développement, puisqu'on a pu s'affranchir d'un certain nombre d'étapes de validation sur modèle animal, dans la mesure où elles avaient déjà été faites avec des vaccins contre les virus que je citais juste avant, et qui ont permis d'aller plus vite sur cette phase-là. Dans ces vaccins vectorisés sur le support virus vaccinal rougeole, on rajoute un morceau de gène qui fait fabriquer la structure protéique qui est le support de la réponse immunitaire. Donc ça, on l'a identifié très vite. Quand on a séquencé le génome viral, c'est une protéine qu'on appelle la protéine S, une protéine de spicule, qui est le support d'une très forte réponse anticorps. Et les anticorps qui sont fabriqués sont des anticorps très vraisemblablement protecteur, puisqu'on a montré que ces anticorps sont associés à ce qu'on appelle la production d'anticorps neutralisants. Vous évoquiez les phases cliniques, les phases de tests cliniques. Ces phases-là ne concernent pas directement l'Institut Pasteur, mais est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Est-ce que vous savez le calendrier de ces phases de tests? Quel type de cohortes vont être mobilisées? Quel type de patients, de personnes, de classes d'âge vont être impliqués dans ces phases de tests à venir? Le test commence ce lundi 24 août, donc le calendrier fait bien les choses puisque c'est le jour de notre émission. Alors très, très schématiquement et très rapidement, un nouveau vaccin se développe sur le plan clinique en trois phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, c'est sur un petit nombre de volontaires sains, sujets jeunes, sans problème de santé, chez qui on s'assure, sur un petit groupe, là dans le cadre de l'essai de phase 1 qui va débuter lundi, c'est 90 sujets. On s'assure de la bonne tolérance et on commence à regarder s'il y a une réponse anticorps. Sur la base de ces résultats, on identifie la dose optimale vraisemblable qui est utilisée pour les études de phase 2, où on regarde encore souvent une ou deux doses qu'on a sélectionnées à l'issue de l'étude de phase 1. Et on regarde à ce moment-là encore la bonne tolérance, bien sûr, et on commence à regarder la réponse immunitaire. On n'est pas capable encore en phase 2 de vérifier que c'est efficace, c'est-à-dire que ça protège vraiment contre la maladie, mais on dose les anticorps produits par l'injection du vaccin. Et on sait que si on veut que ça soit efficace, il faut qu'on détecte chez la quasi-totalité des sujets une réponse anticorps, et il faut que cette réponse anticorps induise une quantité importante d'anticorps. Et on choisit à ce moment-là la dose qui va être utilisée pour les études de phase 3, et en général on choisit un compromis qui est entre efficacité et tolérance, c'est-à-dire qu'on choisit la dose qui permet d'obtenir le titre d'anticorps le plus élevé en restant parfaitement bien toléré. Donc c'est ça le principe des études de phase 2, qui permettent de choisir la dose qu'on va utiliser en phase 3. Et là, ce qu'on veut, c'est démontrer l'efficacité en phase 3, c'est-à-dire que les sujets vaccinés exposés au virus, naturellement, on ne va pas les exposer en leur injectant le virus, mais exposés naturellement lorsque l'épidémie se poursuit, on compare le pourcentage de survenue d'infection chez les sujets qui ont été vaccinés par rapport à ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. En général, dans les études de phase 3, ils ont reçu un placebo et ça se fait dans le cadre d'une étude double aveugle, c'est-à-dire que ni le sujet ni l'évaluateur ne sait s'il a reçu, s'il a été administré le principe vaccinal qu'on teste ou un placebo. À quel horizon vous espérez du coup pouvoir avoir ces résultats et quand est-ce qu'on peut prendre finalement rendez-vous pour reparler de tout ça? Donc phase 1, ça commence lundi 24 août. Les 6 premiers sujets des 90 prévus recevront leur première injection vaccinale là, cette semaine. Et il y a un calendrier d'avancée progressive en quelques jours et un suivi sur un petit nombre de semaines. Donc les résultats de l'étude de phase 1 qui permettront de choisir les doses à évaluer pour l'étude de phase 2, on les aura pour la fin de l'année, dernière semaine de l'année 2020, ce qui permettra de lancer les études de phase 2 dès le début de l'année 2021. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp sur ce candidat vaccin développé par l'Institut Pasteur avec une phase 2 début 2021. On va parler un peu de ces échéances hein, de la recherche vaccinale, mais j'aimerais d'abord pour commencer une réaction de nos deux invités. Vittoria Colizza, pour commencer, que pouvez-vous ajouter à ce reportage ou quelles sont vos réactions? Tout simplement qu'il y a beaucoup des vaccins qui sont en développement. Je pense qu'il faut être clair là aussi, il y a plus d'une centaine à plusieurs étapes, donc il y a des vaccins qui sont déjà en phase 3 et sont déjà en train d'être testés sur, dans des endroits où il y a beaucoup de circulation comme par exemple aux États-Unis, Brésil, d'autres vaccins qui sont presque sur la phase 3, donc la phase finale, et qu'il y a où, surtout je pense une chose importante à mentionner, que normalement ce développement de vaccins prend des années. Dans les cas de SARS, beaucoup de recherches ont investi dans le développement d'un vaccin qui, après, en 2007, plus ou moins, a été arrêté. On n'a pas de vaccin pour SARS. Pour MERS aussi, il y a eu pas mal de développement et pour l'instant, on n'a pas atteint un vaccin. Donc là, bien évidemment, il y a une forte pression par toutes les autorités et la recherche aussi, pour pouvoir pousser fortement et très très rapidement un grand nombre des vaccins potentiels, donc des développements de vaccins pour pouvoir atteindre au moins un qui marche, qui peut nous protéger. Bruno Lina, une réaction à ce reportage? Oui, je crois que l'explication longue donnée par Bruno Heun est très claire et ça permet comme ça de bien comprendre les différentes échéances du développement d'un vaccin quand on parle de pratiquement rien. Et c'est vrai qu'on parle de pratiquement rien puisque ce virus était inconnu au mois de décembre. Et donc on voit ce qu'il est nécessaire de franchir comme étape pour être sûr d'avoir un vaccin qui a une bonne tolérance, qui donne une réponse immunitaire protectrice, qui on avance pas à pas. Je pense que la précipitation dans ce développement de vaccins est générateur d'incertitudes. Et au bout du compte, comme le disait Victoria, il faut bien comprendre que pour d'autres coronavirus similaires, comme le SARS, le premier SARS, malgré 4 ans de travail, on n'a pas réussi à faire un vaccin. Donc L'urgence sanitaire n'était pas la même. On est bien d'accord. Oui. Et l'effort qui avait été mis en marche n'était pas tout à fait la même. Mais les équipes qui ont travaillé dessus étaient des équipes qui étaient performantes, hein, qui étaient. Alors il y avait peut-être un peu moins d'innovation que ce qui a été fait depuis, mais malgré tout, c'est pas simple de faire un vaccin. Et je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce aujourd'hui sur un certain nombre de vaccins en développement très rapide, qui peuvent être suivis de beaucoup de. Alors peut-être que ça marchera très bien et ce serait formidable, je serais le premier avis. Mais il peut y avoir beaucoup de déceptions aussi. Donc il faut être prudent et on sait que bon voilà actuellement à septembre 2020 on pense qu'il y a une dizaine de vaccins qui vont rentrer ou qui seront en phase 3 et il y a comme en phase 3 on peut juste rappeler ce que c'est, c'est-à-dire sur beaucoup sur une grande population. Voilà, les stades préliminaires de l'évaluation du vaccin ont été faits et on rentre dans un essai qui va regarder vraiment l'efficacité. Mmh. Et c'est là où on a effectivement... Sur une très large cohorte, on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de patients. Oui, un vaccin, le dernier vaccin qui a été évalué sur la grippe, c'était 40 000 personnes qui rentraient dans cet essai. Donc, vous voyez, c'est des très grands nombres. Hein. Et c'est à la fois bien qu'il y ait beaucoup de vaccins différents qui soient proposés, et le vaccin de l'Institut Pasteur en est un, mais on voit qu'il y a des vaccins inactivés, des vaccins sous unité, des vaccins ADN, des vaccins ARN, il y a des vaccins recombinants, il y a vraiment beaucoup d'alternatives possibles qui sont développées, et c'est très bien. On a quand même un problème de fond, qui est qu'aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui travaille sur le coronavirus quelle est la réponse immunitaire protectrice, personne n'est capable de répondre à cette question. Mmh. Et c'est vraiment un des écueils par rapport au développement des vaccins contre ce virus, où il va falloir qu'on avance en apprenant. C'est ce qu'on fait depuis le début. Ça ne doit pas, bien évidemment, bloquer le développement, mais ça explique la difficulté d'être sûr d'avoir une réponse immunitaire protectrice durable, et savoir aussi ce qu'on attend de ces vaccins. Si je peux juste prendre deux minutes. Dans les vaccins, souvent dans notre esprit, on a la notion du vaccin contre le tétanos. Le vaccin contre le tétanos, il est génial parce que vous êtes vacciné, vous êtes immunisé, et si vous êtes exposé au tétanos, vous ne ferez jamais l'infection. C'est un vaccin qui a une efficacité pratiquement de 100%. Mais c'est très exceptionnel d'avoir un vaccin avec une efficacité de ce niveau-là. La plupart des autres vaccins, ils sont pris en défaut de façon plus ou moins importante. Et donc, il faut que l'on sache si les vaccins qui vont être proposés vont des vaccins qui vont nous protéger à 100% contre l'infection, ou est-ce que c'est des vaccins qui vont nous protéger contre les formes graves de l'infection. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en termes de dynamique épidémique, eh bien, si vous avez un vaccin immunisant, la personne vaccinée ne sera plus dans la chaîne de transmission. Si vous avez un vaccin qui n'est pas immunisant mais qui est protecteur, à ce moment-là, il faudra continuer à s'appuyer sur la protection individuelle. Vous l'évoquiez, j'aimerais peut-être juste un mot là aussi pour renseigner nos auditrices et nos auditeurs. C'était d'ailleurs dans le petit medley du début de l'émission, ce vaccin russe qui est supposément, dont on a dit qu'il était en phase 3, mais finalement l'OMS dit que c'est pas vrai du tout, il y a seulement 76 candidats qui ont été testés sur ce vaccin. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est une piste intéressante ? Est-ce que là, il n'y a pas un peu de trouble géopolitique qui vient perturber la compréhension scientifique, ou peut-être même un peu interférer justement avec le développement traditionnel d'un candidat vaccin de façon un peu plus apaisée. Bruno Lina sur cette question, puis Vittoria Colizza après. Non, mais on est typiquement dans l'effet d'annonce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes souhaitaient, et Vladimir Poutine en particulier, souhaitaient pouvoir communiquer sur le développement d'un vaccin pour dire que la recherche vaccinale en Russie est excellente et qu'elle est capable d'aller plus vite que les autres, etc. Il l'appelait Spoutnik, c'est pas tout à fait un hasard. Non, on est bien d'accord, mais vous avez raison, quand l'OMS recherche les informations, on est sur quelques dizaines de personnes qui ont reçu ce vaccin. A priori, sur ces processus d'autorisation dites un peu spéciales pour aller plus vite, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne serait pas accepté dans les pays de l'Ouest. On aurait besoin d'avoir beaucoup plus de données de sécurité pour pouvoir continuer à avancer. Peut-être que, de nouveau, je ne connais pas suffisamment bien, la description du vaccin n'a pas été très détaillé. Il n'y a pas, d'études publiées, on peut le rappeler aussi. Non, il n'y a rien, on n'a pas d'éléments. Donc ce n'est de nouveau qu'un effet d'annonce. Mais bon, d'autres en ont fait. Vittoria Colizza, peut-être un mot aussi, parce qu'on parle de vaccins. Donc on imagine que un de ces nombreux candidats vaccins arrive au terme des recherches et est non seulement efficace, mais en plus n'a pas d'effet secondaire grave, il va se poser la question très vite de la stratégie vaccinale. Ça ne veut pas dire que si un vaccin arrive, tout le monde va pouvoir être vacciné du jour au lendemain. Et oui, et c'est quelque chose que peut-être on oublie, parce qu'on parle toujours du moment où quand le vaccin va arriver, et on pense pas trop forcément à la gestion et à la stratégie des vaccinations. Déjà, il y a des problèmes logistiques, des productions avant tout, après des distributions. Et au final aussi, bien évidemment, de l'administration du vaccin. Alors, il y a plusieurs stratégies dans des maladies pour lesquelles on se vaccine normalement. Il y a des stratégies différentes. Par exemple, si on prend la grippe, en France, on vaccine les personnes qui sont à risque de complications. Donc, par exemple, plus de 65 ans et avec d'autres pathologies aussi. Il y a d'autres pays qui ont choisi d'autres stratégies vaccinales depuis quelques années. Par exemple, le Royaume-Uni. Alors que pour la grippe, on sait que les enfants sont des moteurs de la propagation. Ce sont eux qui apportent l'infection dans les familles, donc aussi leurs grands-parents. Alors que dans les modèles mathématiques, on peut bien voir que si on vaccine les moteurs de l'épidémie, après on va aussi protéger les personnes qui pourraient contracter cette infection, donc les personnes qui sont plus à risque de complications. Alors, il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix, comme par exemple le Royaume-Uni qui vaccine maintenant les enfants pour protéger de façon indirecte le reste de la population. Alors, pour les Covid, on n'a pas encore des solutions. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier maintenant. Bien évidemment, il y a là aussi plusieurs stratégies, donc soit directement vacciner les personnes qui pourraient faire des formes graves, et ça, on connaît les facteurs de risque, donc c'est l'âge, d'autres facteurs de risque qui sont supplémentaires. Les comorbidités, mais, oui, notamment, dont on a souvent parlé. Exactement, les comorbidités, mais on peut réfléchir aussi de façon un peu différente. Surtout, il faut s'imaginer que l'administration d'un vaccin sur des conditions de déroulement d'une épidémie de ce type, des grandes urgences aussi, il y a aussi un effet temporel. Donc, il faut prioriser, par exemple, certains endroits plutôt que d'autres. Et alors là, on est en train d'étudier si on peut, par exemple, cibler certains endroits, lieux de travail plutôt que d'autres, pour mieux interrompre les possibles chaînes de transmission qui pourraient s'avérer dans l'épidémie. En un mot, et pour conclure, Bruno Lina, aujourd'hui, là aussi, on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur la mise à disponibilité d'un vaccin pour le grand public. Il y a des politiques qui donnent des échéances, les chercheurs qui en donnent d'autres. Qu'est-ce qu'il est raisonnable de croire ? À quel moment peut-on imaginer qu'un vaccin sera disponible bien pour les citoyennes et les citoyens ? Alors, c'est très difficile de répondre à votre question. Je ne me lancerai pas dans un pronostic parce que j'aurais beaucoup de chances de me tromper. La seule chose que l'on peut dire, c'est que c'est illusoire d'imaginer qu'il y ait quelque chose qui soit disponible pour l'année 2020. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qui se passera entre 2021 et 2022 ? Un effort gigantesque est fait par la communauté scientifique pour essayer de trouver un vaccin qui puisse être protecteur. Donc, parmi les 150 et quelques candidats qui existent, on peut espérer qu'il y en ait au moins quelques-uns qui sortent un petit peu la tête du lot et puis qui puissent être à la fois non seulement sûrs et efficaces, mais comme le disait Victoria, produits en quantité suffisante pour pouvoir proposer une vaccination à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent en tout cas. Et vous voyez le défi, hein, parce qu'il y a à peu près 7 milliards d'individus à vacciner sur la planète. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir aidés à y voir un peu plus clair et à comprendre bien ce qui s'était passé ces derniers mois en termes de recherche, mais aussi en termes de circulation de cette épidémie. Donc merci Victoria Colizza, merci Bruno Lina d'avoir également été nos premiers invités de cette 5e saison de La Méthode Scientifique. Merci à toute l'équipe de La Méthode, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Néguessin-Ville, Francine Lezen, Eve Etienne, et on salue François Malordi qui nous rejoint pour quelques mois. Alexandra Longuet est aujourd'hui à la réalisation et Jean-Frédéric à la technique. On jette un œil rapide à la programmation de cette semaine de reprise. Demain, nous parlerons cartographie spatiale suite à la publication cet été de la plus grande carte 3D de l'univers. Mercredi, nous évoquerons la situation critique de l'Arctique entre point de non-retour de la fonte des glaciers et pic de chaleur extrême. Jeudi, nous recevrons l'anthropologue et généticienne Evelyne Heyer. Et vendredi, nous ferons le tour de l'actualité scientifique de l'été avec nos camarades de la presse et du web scientifique. Et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, à venir dans ce mois de rentrée, on parlera du James Webb Space Telescope, on parlera des néonicotinoïdes, du programme ITER, de l'eau sous la surface de Cérès. On parlera également de la migraine, sans oublier en science-fiction deux émissions spéciales, une consacrée à Alan Moore et l'autre à Isaac Asimov. D'ici là, on se retrouve demain à 16h, masque et gel à portée de main pour un nouvel épisode de La Méthode Scientifique, jusqu'à preuve du contraire.